scénariste, Ndiko Manyanga. François Kiman est de l'autre côté de la vitrine. Bienvenue à cette édition dont voici d'abord le sommaire. Le gouvernement burundais est en train d'étudier comment relancer le programme à régime d'internat. Ceci a été dit par le chef de l'État lors du lancement ce lundi du 5e forum des femmes leaders qui se tient à Bujumbura. L'ONG Parsem dit ne pas comprendre pourquoi le carburant de type mazout est toujours rare dans le pays, alors que celui de l'essence est en abondance. Le directeur national de cette ONG locale appelle le gouvernement à résoudre définitivement ce problème. La promesse de richesse est la tactique utilisée par les trafiquants des enfants pour les acheminer dans d'autres pays. On aura les détails avec notre reporter Omer Ndouayo qui a rencontré les enfants récemment refoulés de la Tanzanie. Et dans la chronique sport de ce lundi, l'on revient sur le nouveau système du championnat européen des clubs champions qui n'exigeait pas des matchs aller et retour. Bienvenue à cette édition. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Ouvrons ce journal par la page éducation. Le programme d'éducation dans les écoles à régime d'internat est en train d'être étudié par le gouvernement pour que les enfants étudient dans les internats et dans les provinces qui ne sont pas les de leur origine. Propos d'Evariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, qui explique que c'est une bonne chose qui aidera les enfants à être responsables et des bons gestionnaires. Suivez-le, traduit en français par Jean-Marie Mayonk. Côté gouvernement, nous comptons réinstaurer plus dans les écoles un système d'internat au niveau secondaire pour qu'ils suivent les études dans des provinces autres que leur province natale. De cette manière, nous serons en train d'encadrer nos enfants pour une bonne cohabitation, ce qui leur permettra d'être des personnes responsables, sachant qu'ils ne resteront pas à côté de leurs parents. Et aussi l'éducation peut-être donnée ailleurs. Ce programme doit être soutenu pour renforcer l'éducation des enfants afin qu'ils grandissent étant de bons gestionnaires dans leurs affaires. Il faut apprendre aux enfants dès le bas âge pour leur montrer qu'ils ne resteront pas à côté de leurs parents et que leur vie va continuer. Dans les internats, les enfants y apprennent beaucoup de choses. Quelqu'un qui peut voler un stylo d'un autre, là, ses collègues vont lui dire que c'est une façon d'éviter le désordre. Tu peux rencontrer un enfant d'un mauvais comportement, comme du vol. Il n'y avait pas de téléphone pour appeler chez vous, demandant un autre savon. Et cela, ça vous pousse à s'entraider et de collaborer. Dans l'adolescence, on enseignait aux autres de bien garder ton stylo, car si tu ne gères pas ce que tu as, on peut le voler pour éviter le désordre. On le faisait juste pour te montrer comment garder tes affaires. On ne le faisait pas par méchanceté, mais pour juste réveiller les enfants. Alors, il faut apprendre aux enfants comment gérer leurs biens, être responsable, et cela dès le bas âge jusqu'à l'âge adulte. Le chef de l'État l'a dit ce lundi lors de l'ouverture du 5e forum de femmes leaders qui se tient à Bujumbura. À noter que ce forum a vu la participation des premières dames en provenance de la Serbie, de la République démocratique du Congo, du Gabon et du Nigeria. La parole et action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités par SEM salue la disponibilité du carburant de type essence ces derniers jours, mais cette ONG locale se demande pourquoi la rareté du mazout qui est toujours observée. Le directeur national de la Parsem trouve aussi que l'enregistrement en cours des véhicules en mairie de Bujumbura suscite aussi plusieurs interrogations et a des conséquences néfastes sur l'économie nationale. Faustin Dikoumana est le directeur national de la Parsem. Au niveau du passé, mais on éprouve de la satisfaction par rapport à l'approvisionnement du carburant essence qui était devenu une réalité où des gens s'approvisionnaient aux stations comme à la normale. Mais une inquiétude subsistait parce qu'on ne comprend pas comment l'essence peut être disponible et le carburant de type mazout restait rare. Les gens éprouvent de l'inquiétude, de l'incompréhension totale avec toutes les conséquences liées à la rareté du mazout. On ne comprend pas. Aussi, cet enregistrement des véhicules qui augure un éventuel rationnement du carburant et des questions liées à cet enregistrement avec des conséquences que cela comporte. D'abord, au niveau de la rareté des mazout, le transport en commun s'en trouve perturbé. on transporte des biens des personnes, l'inflation conséquente. Aujourd'hui, au niveau des matériaux de construction, les gens, plusieurs personnes ont arrêté les chantiers de construction. C'est un véritable calvaire. Deuxièmement, on se pose la question, est-ce que si on tend vers ce rationnement, est-ce que le rationnement ne va pas perturber les activités économiques, puisque la consommation est la base même de la croissance économique. Par exemple, plus tu consommes, plus tu verses des taxes à l'État. Je crois que quelque part, il faut une introspection, il faut une réflexion profonde par rapport à ces mesures. La faisabilité technique aussi de cet enregistrement. Est-ce que ce sont les véhicules de Bujumbura qui seraient concernés seulement, c'est de l'intérieur? Qu'en est-il? Est-ce que chaque fois que des véhicules nouveaux viennent, ils devraient aller s'enregistrer, bénéficier des quotas ou quoi? Il y a des questionnements quand même. Je crois qu'au niveau de la communication gouvernementale aussi, on devrait changer de stratégie. Des mesures qui peuvent avoir un impact visible sur l'économie nationale ne peuvent pas être le seul apanage d'une institution comme la SOPEBU. Certes, ça peut être une agence d'exécution technique, une agence gouvernementale d'exécution technique, mais la communication par rapport à ces mesures doit être située au niveau macro-politique. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Page société à présent, la promesse de richesse et la tactique utilisée pour les trafiquants des enfants pour les acheminer dans d'autres pays. Certains des enfants dernièrement refoulés de la Tanzanie admis par la Fondation STAM en défense des droits de l'enfant commune Mabanda de la province Makamba indique qu'il traverse la frontière la nuit. David Nengege, directeur provincial du développement familial et social à Makamba, explique que la pauvreté dans les familles est la cause majeure à l'origine du départ de ces enfants vers la Tanzanie à la recherche de l'emploi au Merdouaille. Ces voix que vous entendez sont celles des enfants refoulés de la Tanzanie où ils étaient partis à la recherche de l'emploi. Nous les trouvons dans une famille d'accueil en commune Mabanda. Ces derniers indiquent qu'ils se font acheminer à l'aube vers 4h du matin, passant par des endroits qui leur sont inconnus pour compliquer leur retour. Voilà la formule qu'utilisent les trafiquants des enfants. Afin de traverser la frontière burundo-tanzanienne, ces enfants reçoivent beaucoup de promesses de la part des trafiquants, notamment de l'emploi qui génère beaucoup d'argent. Les négociations se font entre les parents et les trafiquants d'une part, et entre trafiquants et enfants eux-mêmes d'autre part. Quelqu'un est venu chez nous, disant qu'il cherche des travailleurs. Il promettait 400 000 francs par an pour élaborer. J'ai demandé à ma mère qui était au courant de la situation et m'a répondu positivement. C'est ainsi que j'ai décidé de partir à pied. Nous sommes arrivés très fatigués. Une personne est venue dire à ma mère qu'elle est en quête d'une jeune fille acheminée vers Tabora pour un mariage. Je n'étais pas prête à me marier à une personne que je ne connais pas, mais ma mère m'a encouragée d'y aller. Convaincue, il m'a rejoint très tôt le matin et nous sommes partis. Néanmoins, il existe une autre catégorie d'enfants qui partent pour la Tanzanie à la recherche d'emploi sans que leur famille ne soit au courant, déplore Prosper Boudounia, habitant du quartier Mubogora, commune Kayogoro, qui affirme ne pas connaître où est parti son enfant. Mon enfant fréquentait la sixième année de l'école fondamentale. Je n'ai pas su comment il a décidé de partir, mais j'ai été informé qu'il est allé en Tanzanie. Les trafiquants promettent à ses enfants des richesses. La pauvreté dans les familles est l'une des causes à l'origine du départ de ces enfants. Explication de David Ndengege, directeur provincial de développement familial et social à Makamba, qui trouve que la traite des enfants est une réalité. Ce sont des enfants d'origine de la province Ngozi, Karuzi, Ruyigi, Gitega et province Muramvya. Les motifs qui poussent ces enfants à aller en Tanzanie, c'est la pauvreté. Dans les familles respectives, ils vont en Tanzanie à la recherche du travail. Ces enfants sont toujours manipulés parce qu'il y a des trafiquants des provinces d'origine qui viennent se mettre d'accord avec les familles respectives et ces enfants-là sont achetés dans ces familles et ils sont conduits immédiatement en Tanzanie où ils sont impérativement traités. Sur représentant du ministère ayant les droits de l'homme dans ses attributions à Makamba appelle toutes les parties prenantes à réunir leurs forces afin de lutter contre ce fléau. Pour lutter ce genre de trafic, il faut que les familles respectives de ces enfants-là soient sensibilisées pour que quand même les familles respectives connaissent les droits fondamentaux de leurs enfants. Le droit fondamental de l'enfant n'est pas de le maltraiter, n'est pas de lui donner des travaux qui ne sont pas conformes à leur âge. L'enfant doit obligatoirement être gardé dans une école parce qu'en Tanzanie, il n'y a pas de travail, en Tanzanie, il n'y a pas de vie convenable par rapport à la vie que nous observons ici chez nous à province de Makamba ou dans les provinces que nous avons déjà citées. La commune Kayogoro constitue l'une des frontières les plus utilisées par les trafiquants de ces enfants. Simon-Pierre Nyabenda, administrateur de cette commune, estime que la raison d'être de ce trafic serait le fait que sa commune se situe à proximité de l'endroit où ses enfants vont travailler. Lorsque les bourreaux sont attrapés, ajoute-t-il, ils sont traduits en justice. Notre commune est accessible considérant le point d'arrivée de ses enfants en Tanzanie. Lorsqu'ils passent par Kayogoro, ils arrivent à temps. Les Tanzaniens donnent des travaux forcés à ses enfants. Quand nous attrapons celui qui s'occupe du trafic de son genre, il est directement traduit en justice. Étant donné que la traite des enfants est interdite au Burundi, ces enfants traversent la frontière pendant la nuit en cachette et sans documents. Omer Ndouaï, la Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l'enfance au Burundi, FENADEB, appelle à une réponse immédiate pour lutter contre la traite transfrontalière des enfants burundais. Dans un communiqué de presse sorti le 24 septembre passé, son porte-parole Ferdinand Simbaruhije a indiqué que ce phénomène prend de l'ampleur. Il s'est référé sur un bilan de 67 mineurs interceptés par la police entre le 1er et le 20 septembre de cette année, alors qu'ils se dirigeaient vers la Tanzanie. Suivez-le. FENADEB tire la sonde d'alarme face à la recrudescence des cas de traite transfrontalière des enfants burundais. Entre le 1er et le 20 septembre 2024, 67 mineurs âgés de 13 ans et 17 ans ont été interceptés par la police alors qu'ils se dirigeaient vers la Tanzanie, accompagnés de locuteurs qui comptaient les exploiter. Et ce phénomène qui survient en période de la rentrée scolaire du 16 septembre 2024, non seulement prive ces enfants de leur droit à l'éducation, mais aussi les expose à des formes graves d'exploitation. Et la situation se présente ainsi au où une centaine d'enfants burundais ont été expulsés de la Tanzanie entre le 17 et le 20 septembre 2024. Tous ces enfants étaient exploités dans les travaux champêtres et le motif d'expulsion indiqué était le séjour illégal sur le territoire tanzanien selon la loi tanzanienne d'immigration. Face à cette situation, la FENADEB appelle à une réponse immédiate et coordonnée pour lutter contre la traite. Ainsi, elle recommande ce qui suit. Le renforcement de l'application des lois, c'est-à-dire que c'est important que le gouvernement burundais renforce la mise en œuvre des lois existantes pour protéger les enfants victimes et punir les trafiquants conformément à la loi. La lutte contre la pauvreté, c'est-à-dire qu'il est urgent de développer des programmes de soutien économique pour les familles les plus pauvres afin de réduire les vulnérabilités face aux locuteurs. Ici, un soutien social et économique est renforcé, est essentiel pour que les enfants restent à l'école. L'engagement des communautés, c'est-à-dire une sensibilisation accrue, doit être menée au sein des communautés pour éveiller les consciences aux dangers de traite et les impliquer davantage dans la protection des enfants. La surveillance est renforcée aux frontières et coordination transfrontalière. C'est-à-dire que la coopération en matière de lutte contre la traite entre le Burundi et les pays voisins, notamment la Tanzanie, doit être améliorée pour démanteler les réseaux de traite. Isanganiro. Parlons agriculture à présent. Plus de 334 milliards de francs étaient prévus pour le secteur agricole dans le budget annuel 2024-2025. Soit 7,1%. Le rapport estimatif de la Banque mondiale et le Fonds monétaire international montre que la production agricole s'étend en moyenne sur 0,5 hectares par ménage sur la population de plus de 13 millions. Le secteur agricole au Burundi figure parmi les domaines qui utilisent annuellement un grand budget du gouvernement. Le point avec Jean-Marie Mayonk. Au Burundi, le secteur agricole est important dans la survie de la population sur 95%. Le rapport estimatif montre que la production agricole s'étend en moyenne sur 0,5 hectares par ménage au sein de la population de plus de 13 millions. L'agriculture de subsistance, essentiellement dominée par les cultures vivrières, occupe 90% des terres cultivables. Les grands défis dans ce secteur, il y a manque des engrais chimiques, fumiers et les pesticides. Le Burundi est classé parmi les pays les plus pauvres, où 87% de la population vivant avec moins de 1,9 dollars par jour selon la Banque mondiale et un PIB par habitant de 245 dollars en 2023 selon le Fonds monétaire international contre 311 dollars en 2022. Le secteur agricole au Burundi est parmi les domaines qui utilisent beaucoup de moyens financiers dans le budget annuel du gouvernement. Plus de 334 milliards étaient prévus dans le budget annuel de 2024-2025, soit 7,1%. Concernant les engrais chimiques utilisés et les fumiers, les prix ont connu une hausse énorme depuis 2015 où les engrais chimiques ont exigé un montant de plus de 27 milliards au moment où jusqu'en 2023, les prix se sont multipliés 9 fois et c'était arrivé à un chiffre de plus de 246 milliards, ce qui explique 85 millions de dollars alors qu'il était à 9,4 millions de dollars il y a 9 ans. Concernant les engrais chimiques fabriqués par FOMI, un sac de 25 kg de type Imbura, le prix est de 75 216, le cultivateur l'achète à 31 000 et le reste est payé par le gouvernement. Un sac d'engrais chimiques de type urée, le prix est de 73 755 et le cultivateur l'achète à 33 000 francs burundais. Le reste, c'est le gouvernement qui paye la somme restante. Fomi Bagara, le sac est à 67 545 et le cultivateur l'achète à 28 000 francs burundais. Et pour le Chouagara, le sac est de 19 000 et le cultivateur l'achète à 5 000 francs burundais et le reste est payé par l'État. Les produits utilisés dans la fabrication des engrais chimiques par FOMI sont importés. L'entreprise FOMI a débuté les travaux en 2019. Dans la suite de nos reportages, on vous fera le point sur les préparatifs de la saison culturelle A par les cultivateurs des provinces de Ngozi et Kayanza. Jean-Marie Mayonga, les 4e et 5e avenues des quartiers Nyakabiga 1 et Bgiza sont menacés par le débordement des puits contenant des eaux usées. Les populations environnantes demandent la réhabilitation de ces avenues. Toutefois, en zone Bouiza, Rubuha était en train de réhabiliter la 5e avenue, n'est-ce pas, Mary Kanyang? Notre premier escale, c'était à la jonction de l'avenue Muyinga et la 4e avenue du quartier Nyakabiga 1. C'était à 10h de ce lundi. En regard débordé de déchets humains, on croyait une rivière. Dans le même quartier, à la 5e avenue, dans une canalisation, ces déchets dégagent une odeur suffocante. La population environnante demande que ces avenues soient réhabilitées. Vers 11h30 de ce lundi, nous sommes encore une fois passés à la 4e avenue de Nyakabiga 1. Un homme aux membres supérieurs nus, du coton dans les oreilles, plongé dans les puits pleins de ces saletés. Les eaux usées ne coulaient plus à 11h30. Selon Gervais Ndeokugayo, chef de zone Nyakabiga, cette problématique de Nyakabiga 1 et 3 sont connues des échelons supérieurs et demandent plutôt à la mairie et à l'Office burundais de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction au Burra de se concerter pour vider cette question puisque les efforts de la population ne suffisent pas à eux seuls. Notre seconde escale, c'est à la 5e avenue de la zone urbaine de Bouiza. Là, deux puits sont débordés, mais on voit des ouvriers de l'Obuha en train de réparer une buse bouchée, des travaux effectués depuis 4 jours. Au terme des travaux à la 5e avenue, une telle opération se poursuivra à la 4e avenue et ce sont des travaux qui seront bientôt effectués à l'ENAPO, dans le quartier industriel et au quartier 6 de la zone urbaine d'Ongagara, a-t-on appris. Mireille Kanyang, nous avons contacté le commissaire général de l'Obuha, mais nous n'avons pas encore jusqu'ici sa réaction malgré le rendez-vous donné. Cap sur Boubanza pour parler environnement. La forêt naturelle de la Kibira est menacée par des gens qui coupent les arbres, surtout les bambous, selon les habitants proches et qui précisent que des coupes illicites d'arbres sont également signalées sur d'autres collines proches de la Kibira. Les gardes forestiers confirment les faits et précisent que ceux qui ont été attrapés parmi ces malfaiteurs ont été punis. L'association Communities of Hope tranquillise et précise que depuis décembre, environ 200 000 arbres seront plantés en province Bubanza et Chibitoke. 80% de ces arbres seront plantés à l'intérieur de cette forêt espèce Caritas Cabanienne. Les arbres les plus menacés dans cette forêt naturelle de la Kibira sont les bambous, selon les habitants proches qui disent que ces arbres sont souvent coupés et emportés, ce qui est également confirmé par Jean-Baptiste Barayandema, chef du secteur Kibira du côté de Musigati. Il précise que ces personnes viennent en majorité du côté de la province Kayanza et les uns ont été attrapés dans les jours passés et sanctionnés conformément à la loi. Les autres ont échappé, comme l'explique Jean-Baptiste Barayandema. Les habitants proches de la Kibira font savoir que les coupes illicites sont également observées sur différentes collines et si rien n'est fait, ils risquent de subir un impact du manque de matériel de construction, manque du bois de chauffage ou de charbon dans les jours à venir. Au niveau de l'association Communities of Hope, on tranquillise et on explique que depuis le mois de décembre prochain, 194 400 arbres seront plantés dans 4 communes des provinces Bubanza et Chibitoke, à savoir Musigati, Manda, Mabayi et Bukinanyana, et 80% de ces arbres seront plantés à l'intérieur de la Kibira, selon Nexon Habonimana, chargé de suivre de près ce projet de reboisement. Spes Caritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique sport. Place à la chronique sport, le nouveau format du championnat européen de la Ligue des Champions n'exigeait pas de jouer les matchs aller-retour comme c'était le cas pour l'ancien format. Faustin Diokougaï, journaliste sportif qui suit de près cette compétition, fait savoir que pour le moment, chaque équipe doit jouer 4 matchs à domicile et 4 matchs à l'étranger. Il ajoute que les deux premières équipes de chaque poule sont directement qualifiées au 8e de finale. Jean-Marie Vianney Nakumana, chronique. L'ancien format de cette compétition européenne de la Ligue des Champions comptait 32 équipes, mais pour le moment, elle regroupe 36 clubs, subdivisés en 4 groupes de 9 équipes pour chaque groupe. Les deux premières équipes de chaque groupe seront qualifiées directement dans la 8e des finales. Explication de Faustin Diokougaï, journaliste sportif qui suit de près l'organisation de la Ligue des Champions. La compétition UEFA Champions League a un nouveau format. Donc, on a augmenté les équipes participant dans cette compétition. L'ancien format comptait 32 équipes, mais le nouveau format, c'est 36 équipes subdivisées en 4 groupes. Donc, aux 4 groupes, chaque groupe est composé de 9 équipes. Donc, on a supprimé la phase des groupes aux phases de la Ligue. Chaque équipe jouera 4 matchs aller et 4 matchs retour. Dans les 9 équipes qui composent chaque groupe, seules les 2 premières seront qualifiées en 8e de finale. Il ajoute que depuis la 9e équipe jusqu'à la 24e équipe, elles joueront le match de barrage dans le but de chercher l'effectif complet des équipes qui s'affrontent dans la 8e de finale. Du fait qu'on enregistre le classement chaque fin de la journée, la 9e équipe au classement jusqu'à la 24e équipe, ces équipes joueront les matchs de barrage pour chercher le nombre complet des équipes qui seront qualifiées dans la 8e de finale. À partir du 25e équipe au classement, jusqu'aux dernières équipes, ces équipes seront disqualifiées directement de cette compétition quand il n'y aura plus les matchs de la Ligue Europa. Vous savez que dans l'ancien format, les équipes disqualifiées en 8e de finale de l'UEFA Champions League avaient le droit de jouer la Ligue Europa. Mais pour le moment, le format a changé. Selon ce journaliste sportif, ce nouveau format de la Ligue des Champions va permettre aux clubs de perdre leurs joueurs suite aux blessures du fait que le nombre de matchs ont été augmenté. Ce que je vois comme défi de ce nouveau format, les joueurs subiront beaucoup de fatigue et des blessés car le nombre de matchs a été augmenté. Les équipes perdront des joueurs suite à ces fatigues et à ces blessés. Faustin Diokougaï indique que certains joueurs professionnels ont déjà déclaré qu'ils sont contre ce nouveau format, tout en précisant qu'ils vont observer un mouvement de grève au sein de l'Association européenne de football. Rodrigo Cascante, le joueur de Manchester City, dans un conférence de presse, il a déclaré au micro des journalistes qu'il arrivera des moments de grève car l'UEFA a augmenté le nombre des équipes et le nombre des matchs sans se compter sur la santé des joueurs. Donc il y a aussi des joueurs comme Dani Carvajal du Real Madrid, Kevin De Bruyne de Manchester City, Erik Gundogan et Jules Koundé. profondeur du FC Barcelone qui ont soutenu l'idée de Rodrigo Cascante, qu'il arrivera des moments où les joueurs feront des grèves à l'UEFA pour que son nouveau format puisse changer. Malgré cela, il précise que l'avantage se trouve sur les organisateurs qui recevront beaucoup de revenus. L'avantage peut se compter sur les organisateurs de cette compétition parce qu'ils sont et qui recevront des revenus. Ils ont augmenté le nombre de clubs pour la question de faire le business. La compétition européenne de la Ligue des Champions a commencé en 1955. Le vainqueur de cette compétition est automatiquement qualifié pour l'édition suivante. Il participe également à la Super Coupe de l'UEFA ainsi que la Coupe du Monde des clubs de la FIFA. La formation espagnole de Real Madrid est le club le plus titré dans l'histoire de la compétition, avec 15 trophées. Voilà, c'est par ici que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à François Kimana qui est de l'autre côté de la vitrine à la présentation. Vous étiez avec Evariste Ndikubanyangam. Bonne suite des programmes sur Sanganito.